Le manque de cash nous fait péter un câble. Péter un câble. Et ça ils le savent, savent. Le triple 6 voudrait péter à notre table. Péter à notre table. Qu'on fasse rap. La relève valait gros, fallait oser. Parle pas de diplôme à décrocher. Le fait haut des halls et des lovés. Je récite la BO d'un névrosé. Voici donc ma routine, cataloguée à mon profil. Scoop, si je découpille, néochrome, ghetto prodige. 7, 7, 9, 5, la main sur le cœur et l'autre sur le flingue. Folie des sous-sols, truc de dingue. L'ambition de réunir plus de 5. Je suis pas de ceux qui refusent de vaincre. De moi si à coup s'infile. On les baise et on dort tranquille. Qu'une fois qu'on sait où bouche l'indique, ça casse. L'herbal, farage, serval, chacage, merdasse, certasse, partage, l'herbe sale, on veut de la maille, frère d'armes, pas pas, l'airbag, on fonce dans le mur, yeah man. Le manque de cash nous fait péter un câble, et ça ils le savent, ça. Le triple 6 voudrait péter à notre table, qu'on fasse ça, ça. Comment veux-tu qu'on délaisse nos pics? Ça serait comme voir un sale keuf sans sa matraque télescopique. Ouais, garde dans mes poches, il faut juste un bigot, le kit m'en brûlé. Juste une chose, traîne pas dans la zone, si un pico s'équipe d'un brûlique. J'suis qu'un fou dream, j'vous l'dis, j'bousille, vous l'dis. Routine souci, bouti de coutsi. Ils prennent mes frères pour des Looney Tunes. Si j'fournis cousi, cousine, bah ouais, congé. Mon flow c'est du Dicara. La place que j'cherche, c'est pas celle ton concert, mais celle du Dicara. Écoutez, n'aie pas peur, j't'explique. Au chromiaque des rappeurs techniques. Ici c'est dead, y'a peu de thermite. On crame au décapeur thermique. Vos faux flics, ça date pas d'hier qu'on sait ce que c'est péder un câble. C'est la merde d'été, hiver, le manque de caca, j'nous fait péder un câble. Le manque de cash nous fait péter un câble. Et ça ils le savent, ça. Le triple 6 voudrait péter à notre table. Qu'on fasse ça, ça. Le manque de cash nous fait péter un câble. Et ça ils le savent, ça. Le triple 6 voudrait péter à notre table. Qu'on fasse ça, ça. Le manque de cash nous fait péter un câble. Et ça ils le savent, ça. Le triple 6 voudrait péter à notre table. Qu'on fasse rap, ça. Le manque de cash nous fait péter un câble. Et ça ils le savent, ça. Le triple 6 voudrait péter à notre table. Qu'on fasse rap,